Oui, Mathieu, nous, on fait sauter l'univers aujourd'hui. Ah bah c'est bien aussi. Une centaine d'années après avoir été proposé, le Big Bang est aujourd'hui passé dans la conscience collective comme le modèle de la formation de l'univers. Or, ce modèle, contrairement aux apparences, est un modèle fragile. C'est un modèle jusqu'à preuve du contraire qui présente un certain nombre d'avantages, mais aussi beaucoup de points d'incertitude. Et si ce modèle était sur le point de devenir caduc, comment penser les origines de l'univers avec les récents apports de la physique et de la cosmologie quantique? Pourra-t-on un jour observer des traces de l'origine de l'espace-temps? Et surtout, y a-t-il un avant Big Bang? Big Bang, un modèle qui rebondit, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà un titre qui ne va faire sourire que les personnes qui sont un peu calées en astrophysique, mais qui vous fera sourire certainement à la fin de cette émission, puisque pour remonter aux origines des origines et tâcher donc de comprendre ce qui a bien pu se passer lorsque notre univers n'était qu'un point de singularité physique, un point d'arrêt de l'espace-temps, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Bonjour Julien Grain. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'Astrophysique. Astrophysique spatiale d'Orsay. Vous pouvez suivre comme chaque jour, et ce sera certainement utile aujourd'hui plus que les autres jours, cette émission sur notre fil Twitter, où on va vous mettre un certain nombre de schémas d'études consacrés précisément à ces origines de notre univers connu. Alors je le disais en l'introduction, le modèle du Big Bang est aujourd'hui communément admis. C'est celui qu'on enseigne à l'école en l'occurrence, en physique, et pourtant ce sont vos propres termes, hein, Jean-Marc Bonnet-Bideau. Vous aviez publié un article dont c'était le titre. Vous dites que c'est un modèle fragile. Oui, oui, absolument. D'abord, effectivement, ce n'est qu'un modèle et ce n'est pas une théorie. Souvent, on entend parler de théorie du Big Bang. Il y a même une série fameuse. Voilà. Donc, modèle, ça veut dire un scénario plutôt qu'une quelque chose d'absolument rigoureux. Et les difficultés, aujourd'hui, sont nombreuses. On pourra peut-être en parler plus en détail. On va en parler. Vous trouvez, vous aussi, vous partagez cette opinion qui est communément admise dans la communauté astrophysique aujourd'hui, que le modèle Big Bang, c'est ce que je disais, c'est un modèle jusqu'à preuve du contraire, Julien Grain. Oui, c'est-à-dire que pour reprendre ce que vous disiez, c'est la théorie qu'on utilise, c'est la théorie de la relativité générale, la théorie, on va dire, des constituants de l'univers en matière de la physique des particules, et c'est en appliquant cette théorie dans un cas concret qu'on arrive à construire un modèle d'évolution de l'univers. Et ensuite, on cherche à confronter ce que prédit ce modèle aux observations. Est-ce que ça veut dire qu'il est possible, voire probable, ça, je tease un peu la fin de l'émission, j'anticipe ce que nous allons nous dire tout à l'heure, qu'il faille, à un moment donné, complètement repenser les origines de l'univers, Jean-Marc Bonnet-Bideau? Oui, c'est assez probable et assez compréhensible, sachant que notre connaissance, aussi bien dans le domaine de l'infiniment grand que de l'infiniment petit, est limitée, nous en voyons les limites. Et comme nous efforçons de marier les deux, vous comprenez que les difficultés sont décuplées. Ça, c'est la grande question de l'unification de la physique. On avait consacré une émission entière à ce sujet et on va vous mettre, comme d'habitude, le lien vers le podcast, sur le fil Twitter de l'émission. Alors, avant de raconter un peu déjà ce que ce modèle propose, j'aimerais qu'on rappelle un peu d'où il vient. Il a une centaine d'années à peu près, c'est cela, Jean-Marc Bonnet-Bideau? Oui, exactement. Alors évidemment, on le date très très souvent, même de la relativité générale, puisque le premier modèle d'univers a été fait par Einstein en 1917. Mais néanmoins, la vraie naissance du Big Bang, c'est bien sûr les découvertes de l'expansion des galaxies, et auparavant de certains modèles qui ont été faits par un Russe, s'appelle Alexandre Friedman, puis Georges Lemaître, chanoine. Voilà. Mm-hmm. Accessoirement, c'est un peu délicat de parler en termes d'histoire de l'univers de religion. C'est pour ça que, effectivement, je pense qu'il est plus logique de l'appeler astrophysicien Georges Lemaître. Mmh. Mais néanmoins, il était même abbé, il se revendiquait comme abbé. Mmh. Et donc, l'expansion a donné l'idée, à Georges Lemaître en particulier, qu'on pouvait remonter l'expansion. C'est-à-dire, comme le train qui passe, on peut se demander d'où il vient et d'où il est parti. Mmh. Et bien, c'est ça la naissance de la notion de Big Bang. Ce nom Big Bang même, à l'origine, c'est plus plutôt un nom, c'est plutôt un nom pour railler cette théorie, c'est plutôt une sorte de canular, non? Ah non, je m'inscris absolument faux pour avoir travaillé et avoir interviewé même Fred Hoyle. Fred Hoyle est un astrophysicien anglais qui a créé ce mot, c'est lui qui l'a inventé, en mars 1949 à la BBC, où il donnait un cours de cosmologie, enfin un peu comme nous faisons aujourd'hui, sauf que c'était Fred Hoyle. Et il a à ce moment-là parlé de Big Bang pour illustrer l'idée de cette naissance de quelque chose à partir d'un volume très très limité. Et donc ça n'était absolument... On peut retrouver la transcription de cette interview, ça n'est absolument pas pour le railler, il a voulu donner une simple image. Alors c'est la légende urbaine qui s'est constituée a posteriori, puisque dans beaucoup de documentations que j'ai pu compulser, on dit, il y a cette légende selon laquelle Big Bang aurait été justement l'expression employée par les gens qui pensaient à l'inverse que l'univers était statique pour décrédibiliser cette théorie d'un point d'expansion de l'univers. Vous avez raison, et c'est le cas, puisque Fred Hoyle était responsable à l'époque où il a fait cette émission d'une théorie alternative et concurrente du Big Bang qu'on appelait la théorie de l'état stationnaire. Mais pour autant, c'était un scientifique extrêmement honnête, d'ailleurs il l'a montré dans différents autres aspects de son activité, qui a voyagé entre les deux conceptions. Julien Grain, vous pouvez nous expliquer justement en quelques mots, et puis on va revenir plus en détail, mais peut-être pour qu'on comprenne un peu les liens qu'il peut y avoir entre la théorie de la relativité générale 1917 et la conception de l'expansion de l'univers de Lemaître ou Friedman. Alors, la théorie d'Einstein de la relativité générale, c'est une théorie qui parle de la gravitation. La manière dont la gravitation est vue dans cette théorie, c'est que ce n'est pas une force qui agit sur les objets pour les mettre en mouvement, c'est que les objets massifs déforment l'espace-temps, ils le courbent, et c'est la courbure de l'espace-temps qui fait que les objets se mettent en mouvement sous la gravité. De façon très simple, si vous lancez une bille sur une nappe qui est courbée et qui n'est pas plate, eh ben elle ne va pas en ligne droite. Maintenant, si on pousse cette idée plus loin, notre univers, on peut le voir comme un espace-temps en entier qui contiendrait toutes les galaxies, toutes les planètes, toutes les étoiles. Et du coup, tout ce contenu en matière génère de la gravité, donc déforme l'espace-temps, c'est-à-dire l'univers. Et l'image à laquelle on aboutit en imaginant que, en gros, l'univers à très grande échelle est à peu près partout pareil, à peu près la même densité de constituants dedans, c'est l'image d'un univers en expansion. Et c'est cette expansion, c'est une autre manière de dire que c'est l'action de la gravité sur l'espace-temps. Et de quoi on parle finalement quand on parle de Big Bang? Est-ce qu'on parle de l'inflation de l'univers, de l'expansion de l'univers, du point initial? De quoi on parle exactement? C'est vrai que le terme Big Bang, sans prétendre à une exactitude historique, à plusieurs acceptions selon la communauté à qui on parle. Effectivement, si on parle usuellement aux cosmologistes, ça va être soit ce qu'on appelle parfois le vieux modèle de Big Bang chaud, donc avant ce que vous avez mentionné, l'inflation, c'est cette idée que quand on remonte dans le passé, l'univers se contracte, donc la densité d'énergie des constituants augmente jusqu'à arriver à un point où c'est tellement dense, tellement intense en énergie qu'on peut avoir des réactions nucléaires, et donc c'est un peu ce qu'on appelait le vieux modèle de Big Bang chaud. Aujourd'hui, quand on discute avec les modèles, avec les cosmologistes, très souvent quand on dit modèle de Big Bang, c'est sous-entendu le modèle cosmologique un peu standard, même si on l'appelle maintenant autrement, mais où on a toujours cette idée de la relativité générale comme base théorique. Maintenant, si on discute plutôt avec des gens qui sont intéressés par la théorie de la gravité elle-même, et entre autres l'unification de la gravité avec les approches de l'infiniment petit, de la mécanique quantique, la gravitation quantique à boucle, par exemple, l'idée de Big Bang, c'est surtout la singularité de Big Bang. C'est-à-dire que quand on remonte dans le passé de l'histoire de l'univers, on ne peut pas la remonter indéfiniment. Il y a un moment où ça s'arrête. Et c'est l'univers en entier, l'espace-temps en entier qui s'arrête. Et c'est ce qu'on appelle la singularité de Big Bang. Il faut dire, et comme vient de le faire brillamment Julien Grain, il faut dire qu'effectivement ce modèle du Big Bang, depuis qu'il a été postulé ou en tout cas envisagé, puisque vous le dites, le terme Big Bang date d'un peu plus tard, mais par Lemaître ou Friedman en 22-27, ce modèle il a considérablement évolué, il s'est considérablement enrichi. Absolument, d'ailleurs à tel point qu'on peut parler qu'on a déjà vécu plusieurs théories du Big Bang ou plusieurs modèles du Big Bang. Il y a plusieurs dates qui sont assez exceptionnelles par rapport à cette histoire-là. C'est 1965, 1981 et 1998. Chacune de ces dates est marquée par une découverte et un changement de paradigme, on pourrait dire. La première, c'est bien sûr la découverte du rayonnement de fond, donc cette première lumière issue du début d'une certaine expansion. Le fond diffus cosmologique, on va en reparler dans quelques instants. À ce moment-là, la description qu'on nous donnait de l'univers, on est en 1965, c'est il y a 10% de matière, 10% d'une valeur critique qui arriverait à arrêter l'expansion. C'est ce qu'on appelle la densité critique de l'univers. Et avec cette matière-là, on est content, on fait tout l'univers. Voilà. 81. Une rupture, on s'est aperçu que malgré tout, on avait des difficultés, qu'on a appelées la platitude, l'horizon, c'est-à-dire des zones du ciel sont trop homogènes, elles n'ont pas été en contact. Donc il faut postuler quelque chose, un phénomène particulier qu'on a appelé inflation, dont on pourra reparler par la suite. Dont on va parler, bien sûr. Et cette inflation impose que cette fois-ci, l'univers ait une densité critique. À ce moment-là, on va parler du fait que comme nous avons plus que 10% de matière ordinaire, on va inventer la matière noire. On aura un univers qui sera à ce moment-là fait de 10% de matière ordinaire et 90% de matière noire. Ça, c'est 81. 81. Et puis ensuite, les choses continuent. Et en 98, nouvelle découverte, on s'aperçoit que l'accélération, au lieu de se ralentir, s'il avait été l'objet de la gravitation unique de la matière, elle se serait ralentie. Eh bien, elle accélère. Et elle accélère même plus vite que ce qu'on imagine. Exactement. Et ça veut dire qu'on doit injecter une nouvelle quantité qu'on a appelée l'énergie sombre, l'énergie noire. Et à ce moment-là, c'est l'état dans lequel on est. Nous avons maintenant, dans ce bilan de l'univers, 5% de matière ordinaire, 25% de matière noire et 70% d'énergie noire. Voilà à peu près les étapes qui ont marqué ce qu'on a appelé le Big Bang. C'est toujours le même mot, mais c'est des descriptions totalement différentes. Et pour conclure cette première approche un peu synthétique, il faut dire que cette étude du modèle ou des modèles du Big Bang pose un certain nombre de problèmes méthodologiques et épistémologiques qu'on soulève maintenant pour pouvoir expliquer la complexité que représente pour les astrophysiciens de penser les origines de l'univers et de remonter jusqu'à ce point que vous évoquiez tout à l'heure, Julien Grin. Peut-être que le premier biais, c'est que nous sommes à l'intérieur du système, qu'on ne peut pas s'en extraire. Jean-Marc Bonnet-Bideau. Oui, absolument. C'est le problème essentiel. On ne peut pas faire d'expérience sur l'univers. On n'a qu'un seul élément. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très difficile à l'heure actuelle de décrire vraiment son contenu et encore mieux son évolution en détail, puisque nous sommes limités aussi par les observations. On pourra en reparler également. Nous ne voyons pas encore la totalité de l'univers observable. Donc, c'est une forte limitation. On peut remonter pour le moment que jusqu'au fond diffus cosmologique. Autre biais, eh bien, on doit raisonner, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, depuis l'état final pour remonter. On ne peut pas raisonner dans le sens inverse. Oui, c'est-à-dire que usuellement, en physique, mettons physique de laboratoire, en physique des particules, on contrôle les conditions initiales. Dans un accélérateur de particules, alors on contrôle avec une certaine précision, mais on décide dans quel état on met les particules, à quelle énergie elles vont collisionner. Ici, on ne peut pas choisir quelles sont les conditions initiales de l'univers. On n'y a pas accès. Et puis, c'est toujours très, très, très difficile de prétendre avoir trouvé les conditions initiales de l'univers. Un ami philosophe me disait que c'est considéré comme une question trop, peut-être pas trop, mais en tout cas très philosophiquement chargée de connaître les conditions initiales de l'univers. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez difficile et c'est vrai que on essaye, mais plutôt d'y remonter et non pas de les... On ne peut pas les contrôler ni les créer, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis dernier biais d'importance aussi, on manipule des niveaux d'énergie qui sont évidemment non reproductibles de façon expérimentale et qui sont même des niveaux d'énergie tels que les modèles standards de la physique, de la relativité générale ou de la mécanique quantique ne fonctionnent plus. Oui, c'est ça. En fait, on est limité dans des deux côtés. Aussi bien dans on parlait effectivement de remonter vers les températures et des énergies élevées. Ça, c'est plutôt, on peut faire ça dans des accélérateurs, mais c'est très, très limité. On a très peu de matière à étudier. Et puis, dans l'immensité de l'univers, il faudrait pouvoir tout explorer d'abord avant de tirer les conséquences. En attendant oui, Julien Grin. Difficulté aussi, c'est que, effectivement, dans les collisionneurs, et c'est très important, la physique qui est faite là, on monte à des très hautes énergies, mais le champ de gravité est, lui, extrêmement faible. Alors que quand on pense, par exemple, à l'univers très jeune, ce qu'on appelle l'univers primordial, on a à la fois ces échelles d'énergie énormes et en plus des champs de gravité intenses. Et c'est là qu'on commence à allier les deux et qui rend la tâche, d'une certaine manière, je ne vais pas aller dire que c'est plus difficile que ce qu'ils font en physique des particules, mais qui, en tout cas, donne une certaine difficulté propre à ce sujet. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de ce modèle, de ces modèles du Big Bang, des modèles qui, même s'ils sont fragiles, sont pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ceux qui résistent le mieux aux différentes observations qui s'agrègent année après année à cette étude et à ces études des origines de l'univers. Nous en parlons avec Jean-Marc Bonnet-Bidot et Julien Grin. Alors, pour pouvoir réfuter un modèle, encore faut-il en poser eh bien, les termes précisément. On va essayer de décrire un peu aujourd'hui ce que la cosmologie, l'astrophysique, la cosmologie quantique nous disent de ce modèle du Big Bang, et puis faisons-le comme nous l'avons dit, en remontant le temps, en commençant peut-être par aujourd'hui, cette « il était une fois l'univers ». Aujourd'hui, on sait dater par exemple l'univers de 13,8 milliards d'années. Comment se fait-il qu'on sache aussi bien le dater? Comment se fait-il qu'on soit à peu près sûr qu'il y a eu en tout cas une unanimité très très peu discutée sur cette origine de l'univers, Jean-Marc Bonnet-Bidot? Cet âge. Oui, je serais beaucoup plus prudent, parce que je pense que c'est effectivement un peu de numérologie auquel on a affaire. Il y a différentes observations qui nous permettent d'accéder effectivement à cet âge. On les croise et on essaie de trouver une espèce de barycentre, enfin, une espèce de moyenne commune. Et là, on affiche après des chiffres qui sont, à mon avis, totalement erronés en termes de précision. On nous dit, par exemple, moi j'ai lu ça encore, l'univers a 13 milliards 799 millions d'années à une précision de 20 milliards d'années. Ça veut dire 0,1%. Or, la constante qui détermine l'expansion, qui mesure l'expansion, c'est la fameuse constante de Hubble, on la connaît pas vraiment exactement à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, c'est une espèce de biais de numérique, on pourrait dire. Je pense que les gens sensés ont beaucoup plus de prudence par rapport à ça. Il se pourrait que demain... D'abord, première question, et peut-être Julien Grève va nous exposer aussi ça, c'est comment définit-on l'âge de l'univers ? Parce que là, on peut mesurer éventuellement l'âge, le temps qui s'est écoulé depuis la première lumière jusqu'à maintenant. C'est plus ou moins ce qu'on fait. Mm-hmm. Mais avant, il y a peut-être une notion d'infinité de temps qui s'est déroulée avant. Donc, vous voyez, toutes ces notions sont très, très floues. Et même celles qui sont tirées d'observations sont très discutables. Julien Grand. En fait, en cosmologie, on ne mesure pas vraiment des âges. Ce qu'on mesure, ça va être par exemple des notions qu'on appelle le décalage vers le rouge. C'est-à-dire que si un objet est lointain, il émet de la lumière. Comme l'univers s'étire, cette lumière est distendue, sa fréquence diminue. Et c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. C'est le genre de quantité qu'on observe, qu'on mesure. Mais on ne mesure pas l'âge de à quelle époque cette galaxie, par exemple, a émis de la lumière. On mesure donc d'autres quantités, par exemple le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. On peut mesurer, c'est-à-dire en gros, je prends deux points, comme l'univers s'étire, s'ils sont à une distance d'un mètre, une seconde après, ils sont un peu plus éloignés, et le taux d'expansion mesure ça. Et toutes ces quantités mesurées, qu'on mesure avec beaucoup de précision, si ensuite on utilise un modèle cosmologique, donc on injecte de la théorie dedans, on peut calculer un âge de l'univers. Donc, par exemple, quand on dit 13,8 milliards d'années, alors je vais penser à... Tout le monde va croire que j'ai une marotte de la singularité du Big Bang, mais c'est juste pour illustrer le propos. Ça suppose qu'on a une sorte de point de départ. De T0. Ou plutôt un T0. Mais sauf qu'un T0, ça n'a pas de sens, puisque le temps n'existe certainement plus. Et c'est justement ce Big Bang. Mais si, effectivement, à l'approche du Big Bang, on n'est plus certain de la... du modèle que l'on utilise, la question de l'âge peut être mise sur le tapis. Ce qui est important, c'est que c'est pas ça qu'on mesure, en fait. Et c'est les quantités physiques mesurées, la précision qu'elles ont, c'est ça qui compte. Ce qu'on mesure, alors aujourd'hui, et alors vous me direz une fois de plus si je me trompe ou pas, en tout cas ce qui fait consensus, c'est que l'univers aujourd'hui tel qu'on le connaît est en expansion rapide, plus rapide que ce que les modèles physiques prévoyaient, qu'il est extrêmement peu dense et qu'il est relativement froid. Oui, encore une fois, un petit bémol, parce que même la conception de l'énergie sombre, l'énergie noire, elle est nécessaire théoriquement, on l'a expliqué pourquoi, mais la façon dont on l'a mesurée ne garantit pas qu'elle existe vraiment encore. Ça peut être encore discutable. Vous savez qu'on l'a fait avec des étoiles particulières, qui sont des supernovas, dont on pense qu'elles ont à peu près la même luminosité, donc si elles explosent de plus en plus loin, on peut reconstituer la distance. Mais il y a énormément de biais, énormément d'absorption, énormément de choses qui peuvent nous troubler nos mesures, et c'est encore en discussion, d'ailleurs, des articles sont publiés à l'heure actuelle pour remettre en cause cela, ou alors même d'ailleurs en tirer l'idée que c'est qu'une apparence, parce qu'on n'a peut-être pas évoqué l'hypothèse de base du Big Bang, qui est quand même constitutive des équations d'Einstein. Pour pouvoir utiliser les équations d'Einstein, il faut faire des hypothèses draconiennes de simplification. Celles-ci sont simples. L'univers doit être homogène, isotrope. Isotope. On l'a laissé entendre tout à l'heure, mais c'est bien de le préciser. Et c'est important parce que ça n'est pas du tout obligatoire. On le fait juste pour simplifier, pour pouvoir avoir des solutions de l'équation d'Einstein. Or, des gens commencent à dire, mais en fait, finalement, regardez maintenant, il est très inhomogène. Certes, peut-être la lumière du fond diffus est assez homogène, mais il s'est passé des tas de choses. Et on peut simuler, enfin, rendre compte de l'expansion, de l'expansion due à l'énergie sombre par juste une homogénéité de répartition des masses. C'est d'ailleurs dans le livre qu'on avait publié avec Thomas Le Pelletier pour les éditions Hubert, il y avait Thomas Buchert qui nous expliquait ça. Donc ce sont des théories qui sont acceptables finalement. Donc cette conception d'énergie sombre est encore discutée. Julien Grand. Oui, alors sur l'aspect, effectivement, il y a d'abord, très souvent on dit l'énergie sombre, encore une fois, la mesure, c'est pas qu'on a vu de l'énergie sombre. C'est qu'elle est nécessaire aux équations. C'est qu'on a vu l'impression, en tout cas, que l'univers, dans son histoire récente, s'étire plus rapidement que ce qu'on pensait. Ensuite, comment on explique cela ? Une approche, c'est l'énergie sombre. Une approche, c'est de modifier la théorie de la gravité. Une approche, effectivement mentionnée, c'est de réfléchir aux hypothèses de départ que l'on fait pour construire le modèle. Donc, l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie. En fait... Encore une fois, on en revient peut-être sur l'évolution de ces modèles. Usuellement, on dit en 1930, le modèle du Big Bang, c'est un univers strictement homogène et isotrope. Maintenant, en fait, quand on fait de la cosmologie, c'est des fois ce qu'on pourrait appeler un univers statistiquement homogène et isotrope. C'est-à-dire, il est en gros homogène et isotrope, mais partout, il y a des zones un peu plus denses, un peu moins denses. Et on veut aussi étudier ça, tout simplement parce que là où il y a une galaxie, c'est là où c'est un peu plus dense. Donc, une fois qu'on met ça en route, et c'est par exemple ces approches présentées par Thomas Buchert, c'est de dire que peut-être quand l'univers est très jeune, les inhomogénéités, ces petites zones un peu plus denses et moins denses, sont très très faibles, comme des toutes petites vaguelettes. Mais au cours de l'histoire, ça s'étire. Et comment cela rétroagit. Et justement, puisqu'on parle de rétroaction, on sait, on va remonter, parce que sinon, le temps, lui, est homogène et uni. Enfin, la mesure du temps, en tout cas. On va pas rentrer là-dedans, on avait fait une émission, ça nous avait déjà pris une heure. mais remontons justement à ce fond diffus cosmologique, puisque c'est à la mesure de ce fond diffus cosmologique qu'effectivement, on obtient une forme de confirmation de cette homogénéité de l'univers, de cette isotropie. Et puisque ce fond diffus cosmologique, on va vous mettre le lien aussi, on avait consacré une émission, on va pas s'étendre dessus, mais tout de même, il confirmait ces modèles-là, Jean-Marc Bonabino. Oui, ça a été la grande découverte. D'ailleurs, les mesures récentes du satellite européen Planck en 2013 ont amené confirmation. La carte a été faite de façon beaucoup plus précise. Et effectivement, sont présentes dans une lumière que l'on pense être celle du début, du moment où la lumière est sortie de la matière, des très faibles inhomogénéités, mais très très faibles. Une partie pour 100 000. Mais néanmoins, elles sont présentes. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, effectivement, au moment où elles ont été découvertes, là, je ne parle pas de Planck, je parle d'avant, dans les premières observations, en fait, elles ont surpris tous les physiciens. On s'attendait à beaucoup plus. Et le fait qu'on ait eu besoin de mettre de la matière noire, c'est parce que ces homogénéités de départ sont tellement faibles qu'il faut quand même rajouter beaucoup de matière pour finalement arriver à former les galaxies dans un temps raisonnable. Et donc, c'est intéressant, cette rétroaction. Mais c'est vrai que l'information, elle est là. Alors après, on peut discuter, et c'est vrai que des gens l'ont fait, parce que moi, je pense qu'en tant que physicien, il faut discuter toutes les hypothèses. Comment a-t-on la certitude que c'est la première lumière de l'univers ? On peut poser la question. Alors, parce qu'il faut repréciser tout de même en un mot, Julien Grin, ce que c'est que ce fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on on est donc, alors, avec tous les bémols possibles, mais sur l'échelle que l'on pose couramment selon ce modèle du Big Bang, on est à 380 000 ans après le Big Bang, et c'est un moment important puisque c'est le moment qu'on appelle de la recombinaison. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? Alors, la recombinaison, c'est le moment où les premiers atomes se forment dans l'univers. C'est-à-dire que avant la recombinaison, la température, les énergies sont telles que les électrons peuvent éventuellement être captés par des protons, par l'attraction électrique, mais il y a constamment des photons, des grains de lumière, qui viennent taper sur ces électrons et les éjecter. Ce qui fait qu'on est dans un état dit de plasma, on a des électrons libres, des protons libres, et de la lumière, des photons qui interagissent avec ces électrons. Mais comme l'univers s'étire, tout cela se refroidit, les densités d'énergie diminuent, jusqu'au moment où, en moyenne, les photons n'ont plus assez d'énergie pour arracher les électrons qui ont été captés à certains instants par les protons, et donc les premiers atomes se forment. Et là, la lumière cesse en gros d'interagir avec les électrons, elle se propage librement jusqu'à nous. On dit, l'expression consacrée, c'est l'univers s'est allumé, en quelque sorte. Oui, c'est relativement exact, puisque avant, comme le décrivait Julien Grin, la lumière interagit constamment, donc elle ne peut pas s'échapper de la matière. Et donc, autrement dit, la matière est opaque pour la lumière. Et tout d'un coup, cette matière devient transparente. Quand c'est transparent, la lumière jaillit, et de toute façon, nous n'aurons jamais d'autre lumière que celle-là. Avant, on n'accède pas directement, en tout cas par nos observations. Vous savez que l'astronomie, c'est la science de la lumière. Bien sûr. Et alors précisément, que se passe-t-il maintenant ? Donc ça c'est la limite d'observabilité. On ne peut pas observer pour le moment, et on verra... Par la lumière, c'est pour ça que je mettais des bémols. Pour le moment, on ne peut pas observer au-delà par la lumière de ce fond diffus cosmologique. Il y a peut-être d'autres options qu'on évoquera tout à l'heure. Mais que se passe-t-il avant ? Avant, on est dans des modèles théoriques stricto sensu ? Ah non, on est un peu plus que ça. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, alors je ne sais pas dans quel sens on va le faire, si on le fait dans... On remonte vers le point zéro. Alors on remonte, effectivement. Avant que ces atomes se forment, il a fallu former les noyaux. Et donc là, effectivement... La nucléosynthèse. Voilà, la nucléosynthèse. Et là, la nucléosynthèse, on est dans des 1 milliard de degrés, des choses qui... Oui, je ne trompe pas sur la quantité. Oui. Et donc des choses qui sont qu'on peut reproduire. D'ailleurs, on reproduit ça au cœur des étoiles. On connaît ça très très bien. C'est après quand on remonte encore. Et là, effectivement, c'est à un moment donné, on a affaire plus qu'à des quarks. Dans quel état sont ces quarks ? Sont-ils libres ? Ne sont-ils pas libres ? Et finalement, quand on remonte encore, on a affaire qu'à de l'énergie pure, ni lumière ni matière. Et comment passe-t-on de cet état-là à un état qu'on appelle la baryogénèse, où il y a effectivement des quarks qui apparaissent. Et ça, on n'a pas de réponse du tout. Du tout. Julien Grin, pour compléter ces modèles, justement, entre le fond diffus cosmologique et puis ce qu'on va appeler l'inflation, qui arrive normalement très très très peu de temps après le Big Bang, mais ça, on va en reparler dans 15 secondes. Oui, il y a aussi cette... Alors, je crois que c'est à peu près une minute, si on veut donner une échelle de temps pour la nucléosynthèse primordiale, une minute après le Big Bang. On a dit souvent les trois premières minutes, voilà, c'était un livre célèbre. Voilà. Et ensuite, il y a effectivement, quand on observe le fond diffus cosmologique, des zones un peu plus intenses, un peu moins intenses, dans les directions, selon les directions dans lesquelles on regarde. Et qu'est-ce qui a causé ces zones un peu plus intenses, un peu moins intenses ? C'est en gros des zones un peu plus denses ou un peu moins denses dans l'univers. Et qu'est-ce qui a causé ces petites inhomogénéités, fluctuations, petites variations de densité ? Et ben après, on a un peu quand même en physique l'idée de quelque chose de causal, c'est-à-dire que c'est la cause a précédé le fond diffus cosmologique, tout simplement. Donc c'est un peu une idée, juste pour dire comment on peut remonter à ce qui s'est passé avant, parce que ce qui est imprimé sur le fond diffus cosmologique dépend de ce qui s'est passé avant. Mmh. Et entre autres, l'explication actuelle la plus favorisée, c'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique qui aurait permis de générer ces zones un peu plus denses et un peu moins denses dans l'univers. Alors l'inflation cosmique, en fait, on parle de l'inflation comme s'il s'agissait d'un scénario. En fait, il y a des scénarios d'inflation. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes précisément allé essayer d'aller comprendre quels sont ces différents modèles d'inflation cosmique, s'ils expliquent tous ou non cette homogénéité, l'isotropie de l'univers, et finalement pourquoi ils sont en compétition. Oui, parce qu'en fait, il existe une centaine de modèles à être en compétition pour décrire l'inflation cosmique. Pour les tester et arriver à trouver le bon, les chercheurs se servent des données du fond diffus cosmologique. L'idée, c'est de les mettre à l'épreuve des données de l'observation. Et de cette manière, on peut éliminer un à un ceux qui ne sont pas en cohérence. Je suis allée voir Jérôme Martin de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui lui a pu tirer un bilan assez surprenant de cette méthode, à savoir que le modèle le plus simple sont en fait ceux qui sont plus en cohérence avec la réalité du phénomène. L'idée d'inflation est une idée très générale. Bon, on ne sait pas très bien la réaliser en pratique, en fait. Ou plus exactement, c'est qu'en fait, il y a des centaines de façons, littéralement, de la réaliser en pratique. Donc des centaines de scénarios d'inflation différents. Et donc le but du jeu, c'est, à l'aide des données du fond diffus, d'essayer de savoir quelle est la bonne version du scénario d'inflation. Les données en question, ce sont les fluctuations qu'on peut quantifier, mesurer sur cette cartographie qui est un peu la première image de l'univers. En fait, les fluctuations du fond diffus qu'on observe, elles sont dues à ce qui s'est passé pendant l'inflation et ce qui s'est passé après l'inflation. Alors ce qui s'est passé après l'inflation, on pense qu'on comprend absolument tout parce que c'est de la physique usuelle. Donc en quelque sorte, on peut retirer la contribution qui vient de la physique standard. Et à ce moment-là, le fonds diffus devient une signature de ce qui se passait pendant l'inflation. Et donc en le mesurant précisément, ben on peut apprendre quelque chose sur l'inflation et savoir à quel scénario on a affaire. Ça, l'idée. Sur l'analyse des données, comment vous arrivez à étayer un modèle ou le confronter à ces obstacles? Disons qu'on caractérise la carte du fonds diffus par une fonction de corrélation. Donc c'est une fonction qui mesure en quelque sorte la puissance du signal en fonction de l'angle auquel vous regardez. Donc en fait, vous mesurez les fluctuations de température. Donc le fond diffus, ce sont des mesures de fluctuations de température qui sont extrêmement faibles, de l'ordre de 10-5 par rapport à la température moyenne. Et pour mesurer la fonction de corrélation, en fait, vous mesurez la fluctuation de température dans une direction, puis dans une autre, séparé par un angle, et puis vous faites ça sur plein de paires possibles de directions, puis vous faites la moyenne. Et ça donne la fonction de corrélation. Et donc la fonction de corrélation, elle vous donne en quelque sorte la puissance du signal en fonction de l'angle entre les deux directions que vous choisissez d'observer sur le ciel. Donc maintenant on a une mesure, donc des mesures de cette fonction de corrélation, de cet objet à une précision absolument inégalée. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces centaines de modèles d'inflation, en fait, évidemment, ils ne prédisent pas tous la même fonction de corrélation dans les détails. Et donc, avec des mesures de précision inégalées, on peut commencer à faire le tri parmi tous ces modèles. Et donc, ça a été l'objet de nos articles, en fait. On a pu exclure beaucoup de modèles. Et ce qu'on a vu dans les données, c'est que les modèles les plus simples sont suffisants pour expliquer absolument toutes les caractéristiques de cette fonction de corrélation qu'on observe. Donc plus le modèle est simple, plus il est pertinent pour décrire le modèle cosmologique. Exactement. Je disais qu'il y avait différentes catégories de modèles et que dans ces différentes catégories, il y avait encore des dizaines ou des centaines de sous-modèles. Donc il semble qu'on ait identifié une de ces catégories comme étant la meilleure, et c'est celle qui est la plus simple. Donc une fois qu'on a identifié la catégorie, et à l'intérieur de la catégorie, disons la classe des meilleurs modèles, on peut se demander quelle est la nature physique de tous ces modèles. Vous voulez dire qu'on a un formalisme valide, mais qu'on ne sait pas vraiment à quoi le faire correspondre au niveau d'une réalité physique? Exactement. On aimerait le relier, par exemple, à la physique des particules qu'on connaît, si c'est possible. Donc par exemple, une question naturelle, puisqu'on a découvert un seul champ scalaire dans la nature maintenant en laboratoire, qui est le champ de Higgs, une question tout à fait naturelle, c'est est-ce que ce champ scalaire qui a provoqué l'inflation, est-ce le même champ que celui qu'on a vu au CERN, est-ce le champ de Higgs? Donc on a, disons, la possibilité assez fascinante qu'on n'ait pas besoin d'inventer, disons, un nouveau champ scalaire, mais que ça soit le même que celui qui a été vu au CERN, est une possibilité tout à fait valable aujourd'hui, sachant ce qu'on sait sur le fond diffus. On ne peut pas encore conclure, mais disons que c'est possible. Sinon, s'il se trouve que ce n'est pas le boson de Higgs, c'est aussi intéressant parce qu'il faut faire appel à de la physique des particules au-delà du modèle standard. Donc invoquer des nouveaux objets. Donc qui pourraient venir de la supersymétrie, de la théorie des cordes, etc. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire à l'issue de ce qu'on a appris des données Planck. Et la deuxième chose, c'est évidemment quel type d'observation on pourrait faire pour essayer d'améliorer encore la situation. Donc là, la réponse, elle est aussi assez claire. Il faudrait mesurer les fluctuations en température du fond diffus, mais les fluctuations en polarisation du fond diffus. Parce que le fond diffus est aussi un signal polarisé. Quand on dit polarisation, c'est être dans une direction donnée. Voilà, c'est ça. Alors il y a deux types de polarisation. Un type a déjà été vu, notamment par le satellite Planck. Et l'autre type, qui malheureusement est plus faible, n'a pas encore été vu. Et il porte une information extrêmement importante sur les ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation. Alors, ce ne sont pas les mêmes ondes gravitationnelles que celles qui ont été détectées récemment par LIGO et Virgo. Ce sont des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation. Mais ces ondes gravitationnelles, elles portent beaucoup d'informations sur l'inflation. Donc si jamais on arrivait à voir ce type de polarisation, on pourrait en déduire les caractéristiques des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation. Et ça nous apprendrait beaucoup sur l'inflation. Voilà. voilà ce reportage du jour consacré aux différents scénarios d'inflation. Je précise que quand on parle d'inflation, on parle d'un moment T à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang. Donc c'est quasiment immédiat, quasiment coexistant avec le Big Bang. Qu'est-ce que vos réactions, qu'est-ce que vous inspire ce reportage l'un et l'autre? Oui, c'est très intéressant. Effectivement, vous comprenez bien que là, on parle de 100 modèles différents. Ça veut dire qu'on n'en a aucun de bon. Hein, et c'est bien la difficulté, je pense. Je voudrais juste rappeler, parce qu'il faut bien qu'on comprenne pourquoi on a besoin de l'inflation. C'est-à-dire, sans inflation, il n'y a plus le Big Bang. Il faut bien savoir ça. Hein. Donc, si on ne trouve pas le bon mécanisme, il n'y aura plus de Big Bang. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce fond diffus dont on parle, les zones que nous observons sont strictement la même température, vraiment. Or, elles sont censées ne pas avoir correspondu dans le passé, dans une expansion naturelle. Pour pouvoir qu'elles aient correspondu à des zones en contact dans le passé, il faut imaginer cette dilatation phénoménale. On parle d'un rapport d'une dilatation entre la dimension d'un noyau à celle de l'univers actuel en un pouillème de seconde, vraiment. Mmh. Et pour donner l'image qui va peut-être plus parler, ça permet effectivement de faire que des zones qui ont été en contact, même si elles sont maintenant très très éloignées, et également, ce dont on parle, c'est la platitude. Si on imagine un ballon qui se gonfle au fur et à mesure de cette inflation, le ballon, quoi que soit sa taille et sa forme au départ, il va finir par être plat, il va finir par être démesurément grand, et on aboutit à cette platitude de l'univers que nous mesurons par ailleurs. C'est ça la fonction de l'inflation, c'est pour résoudre ces deux problèmes. Il faut de l'inflation dans le Big Bang, si on ne trouve pas le bon mécanisme, ça sera foutu. Le problème de l'horizon, le problème de la platitude, on va y revenir dans un instant. Je voudrais la réaction de Julien Grain aussi, peut-être si vous vouliez compléter ce que vous avez entendu dans ce reportage. Alors, je voudrais rajouter, il y a effectivement ces deux problèmes. Il y a aussi le fait que maintenant, dans tous les modèles d'inflation, on prédit, en gros, la quantité d'inhomogénéité qui sera produite de façon quantitative, c'est-à-dire comment on verra ces zones un peu plus intenses ou moins intenses dans le fond diffus cosmologique. Et une des prédictions fortes de l'inflation, c'est que ce processus est dit acausal. C'est-à-dire que, en gros, les inhomogénéités pendant l'inflation, elles sont des barres au départ très très étendues, très élargies. Et après, une fois que l'inflation est finie, on commence à les voir mieux. Ceci est aussi quelque chose qu'on observe dans le fond diffus cosmologique, en plus des aspects de platitude, de d'horizon. Aussi le fait, en gros, d'avoir des taches à très très très très grande distance, des zones un peu plus denses sur des échelles de distance énormes, c'est aussi une des prédictions alors de l'inflation, c'est-à-dire d'un mécanisme qu'on appelle acausal. Et très souvent d'ailleurs, les quelques alternatives à l'inflation cherchent justement à aller générer cet aspect-là sans passer par l'inflation. Et puis il y a aussi un autre problème qu'on va évoquer dans quelques secondes, c'est qu'avant l'inflation, il y a ce point de singularité, et ce point de singularité du Big Bang, il pose quand même quelques problèmes. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off, the oceans in Pangaea. See a wooden monopoeia set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day voilà, vous aurez peut-être reconnu le générique de la série de Big Bang Theory. On ne dit pas la théorie du Big Bang, mais le modèle. Il aurait fallu changer la série, le titre de la série, mais c'est un autre problème que nous n'aborderons pas au cours de cette heure. On a déjà suffisamment de choses à se dire avec Jean-Marc Bonnet-Bonneau, qui est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique au CEA, et Julien Grain, chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. On l'évoquait juste avant cette pause musicale. Il y a un problème majeur qui, pour le moment, est un casse-tête tant pour la physique que pour la cosmologie. C'est ce point de singularité initiale, ce point où plus rien n'opère. où les modèles physiques standards, les modèles de relativité générale restreinte, de mécanique quantique, on ne sait pas ce que serait ce point de singularité, Julien Grin. Alors en fait, est-ce que ça pose vraiment problème ? Ah, mais c'est à vous de le dire. Disons que si je prends la relativité générale, le contenu en matière de l'univers, alors avec de la matière noire, mais qui reste un contenu en matière par certaines propriétés assez standards, et que je regarde mon univers en expansion, quand je remonte dans le passé, j'ai effectivement cette singularité, un point d'arrêt de l'espace-temps. C'est quasiment un théorème de la théorie. Ce qui pose, en tout cas à mon sens, réellement problème, bien plus que l'aspect singulier, singularité, c'est que quand on approche de cette singularité de Big Bang, on atteint une échelle d'énergie, qu'on appelle l'échelle de Planck, et qui est l'échelle d'énergie à laquelle mécanique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit et relativité générale, la physique de la gravitation, devraient être unifiées. Donc c'est, moi, à mon sens, surtout ça, la question de la singularité de Big Bang, ou plutôt l'aspect problématique de la singularité de Big Bang. Après, on peut ne pas aimer les singularités, le fait que lorsque l'on approche de cette singularité, on atteint un cadre, une situation dans laquelle on pense que la théorie qu'on utilise ne fonctionne plus, c'est ça pour moi l'aspect très problématique. Alors, 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. Donc, le reste du temps, on est quand même relativement rassuré de ce qu'on utilise. Jean-Marc Bonnebido. Oui, je pense que cette singularité est un peu l'épine dans le pied du Big Bang depuis le début, puisqu'effectivement, on aboutit déjà à dire que la physique ne peut plus rien dire. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, des progrès qu'on pourrait faire, parce que ça sera. Il faut expliquer que toutes les équations tendent vers l'infini. C'est-à-dire qu'on atteint des grandeurs. Ce qui est plus intéressant, néanmoins, c'est que ça ramène la physique à son problème de dualité essentielle. Depuis les années 1920, on a deux théories qui ne se parlent pas du tout, la mécanique quantique, la relativité générale. Et donc on est bien conscient que de toute façon ça fera progresser. Se poser la question de cette singularité, ça nous fera progresser dans essayer de fusionner ces deux conceptions, si elles peuvent un jour fusionner, ce dont on n'est absolument pas sûr. Mais principalement, et ça rejoint les travaux que vous avez faits, effectivement, se poser par exemple la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une version quantique de la relativité ? Donc, et de la gravitation. Et de la gravitation, voilà, oui, de la gravitation. Excusez-moi. On va y venir dans un instant. J'aimerais juste qu'on peut-être redise un mot sur les autres faiblesses de ce modèle du Big Bang. Alors, on a évoqué la matière noire, on ne va pas y revenir, et puis on a consacré déjà une émission là-dessus, on va vous mettre le lien. On a évoqué le problème lié à l'accélération au Big Bang. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce que vous évoquiez à l'instant, Jean-Marc Bonnebido et Julien Grin, l'un et l'autre, celui du problème de l'horizon. Expliquer pourquoi ça pose un problème dans ce modèle. C'est-à-dire, on l'a un peu expliqué, c'est-à-dire effectivement, les choses qui devraient être en contact ne l'ont pas été. En fait, c'est ça le problème essentiel dans cette affaire-là. Je pense que ce qui est peut-être souvent passé sous silence, il y a encore une difficulté dans le Big Bang et qui est passé sous silence maintenant, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est celui de l'antimatière. Ah oui. L'antimatière, on sait qu'elle existe. On en a créé, on en crée encore. Et le problème du Big Bang, c'est que c'est un modèle qui vous dit que vous créez autant de matière que d'antimatière. C'est la dissymétrie. Dissymétrie, mais dissymétrie qui n'existe pas, qui n'a pas été prouvée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un grand espoir dans les années 64-65, parce qu'on a découvert qu'une des particules élémentaires, une des particules que nous connaissons, qui est un des mésons, le méson Kaon, avait une légère dissymétrie et qui permettait de penser que peut-être, en fait, finalement, les particules avaient des dissymétries de la sorte. Mais depuis 30 ou 40 ans, on en a trouvé un autre méson, et ce n'est pas ces particules-là qui font l'univers. Donc on n'a pas trouvé la façon dont l'antimatière et la matière s'annihilaient, alors que c'est une hypothèse de base. On n'a pas trouvé le mécanisme physique pour le faire. Donc là, c'est aussi un très très grand défaut, parce qu'il y a peut-être d'autres théories qui peuvent effectivement séparer, par exemple, matière et antimatière. Alors, avant d'évoquer les autres théories, on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, l'attente, on sait que, par exemple, quand Einstein a prévu les ondes gravitationnelles, il disait qu'on ne serait peut-être jamais en mesure de les mesurer, de les observer. La réalité vient de prouver l'inverse. On entend beaucoup parler, effectivement, de trouver d'autres, on entendait tout à l'heure, d'autres formes d'ondes gravitationnelles qui seraient la conséquence de l'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut attendre, Julien Grin, dans les mois, dans les années à venir, des observations de la physique observationnelle qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines parties de ce modèle du Big Bang ? Oui, alors, faut revenir un peu justement à comment l'inflation fonctionne, c'est-à-dire que pendant l'inflation, on a une phase d'expansion exponentielle de l'univers. Et ça, ça a la propriété d'amplifier les petites vibrations qu'il peut y avoir dans l'univers. Donc si on a des petites vibrations de densité, elles sont amplifiées, et à la fin de l'inflation, on a des zones un peu plus denses et un peu moins denses qui restent dans l'univers. C'est ce qu'on a observé avec les anisotropies, en les fluctuations en intensité du fond diffus cosmologique. Mais il n'y a pas que la densité qui vibre dans l'univers, il y a aussi l'espace-temps lui-même qui vibre, ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et de la même manière que les vibrations de densité sont amplifiées pendant l'inflation, les vibrations de gravité, les ondes gravitationnelles, sont elles aussi amplifiées. Ce qui fait qu'en fin d'inflation, on aura une sorte de bouffée d'ondes gravitationnelles qui ensuite se propagerait. Une sorte de vague plus importante. Qui se... Oui, alors il y en a plein avec plein de fréquences différentes, un peu dans toutes les directions, mais c'est comme ça une sorte de, oui, de bouffée d'ondes gravitationnelles qui se propage ensuite dans l'univers et qui laisse elle aussi, enfin, qui, une empreinte dans le fond diffus cosmologique. Alors malheureusement, c'est une empreinte extrêmement ténue et qu'on voit dans la partie qu'on dit polarisée de la lumière. Et actuellement, on n'a que des, ce qu'on appelle des limites supérieures, c'est-à-dire qu'on on l'a pas encore vu, mais on sait que ça peut pas être plus que tant. Et la plupart des maintenant des les idées des prochaines observations justement du fond diffus cosmologique, c'est d'aller mesurer ce signal très faible, ce qui permettrait de remonter potentiellement donc à ces ondes gravitationnelles primordiales et en apprendre beaucoup plus sur cette phase d'inflation. Jean-Marc Bonnebiteau, c'est quelque chose que qui est, on a vu, hein, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y a un projet de détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Il y a d'autres projets pour améliorer encore par interférométrie ceux qui sont présents sur Terre. Est-ce que ça veut dire que c'est à portée de main cette détection des ondes gravitationnelles primordiales, ou est-ce que c'est encore un peu loin? Je pense que ça va être difficile, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Effectivement, on a vu là encore dernièrement l'apport déterminant que nous offre maintenant ces ondes gravitationnelles qui sont totalement indépendantes de la lumière. Donc c'est vraiment un canal totalement différent. Au passage, d'ailleurs, elles ont permis de mesurer le taux d'expansion de l'univers, la fameuse constante de Hubble, indépendamment de tout le reste. Une seule explosion fusion d'étoiles nous a permis de déterminer cette constante. Donc il y a une énorme potentialité. Maintenant, il faut bien imaginer que déjà c'est très difficile sur Terre, c'est des infimes petites variations. Puis ensuite, on a tout ce bruit de fond d'autres choses dans l'univers qui produit des ondes gravitationnelles. On a vu les trous noirs, maintenant c'est l'étoile à neutrons, on a des tas de choses. Et donc il va falloir pêcher quelque chose au fond de tout ça. On ne peut pas dire que c'est impossible, parce que c'est certainement pas impossible, mais ça sera très très difficile. Et c'est pourtant très très prometteur, parce qu'effectivement, il y a des prédictions différentes selon les modèles d'inflation. Et donc ce serait le Graal pour les physiciens. Autre chose qui est assez attendue en termes de progrès technologique, strictement technologique en l'occurrence, c'est un nouveau télescope. Alors la NASA vient d'annoncer que sa mise en orbite va être retardée de 6 mois, mais néanmoins on en attend beaucoup de ce télescope James Webb. Peut-être vous pouvez m'en dire un mot, parce qu'on attend de pouvoir justement voir un peu plus loin peut-être, ou un peu mieux en tout cas le fond diffus cosmologique. Absolument, parce qu'en fait on a souvent l'impression que on connaît des milliards de galaxies et donc on connaît tout l'univers. Non, on est très très limité, on connaît bien l'univers local, l'univers qui va jusqu'à la moitié de l'âge, on parle en décalage vers le rouge. Et donc ce télescope est fait pour aller explorer en fait une tranche qu'on appelle les âges sombres, où se sont formés les galaxies, les étoiles, ce à quoi on n'a pas du tout accès. Et ça permettra aussi de valider ou de contraindre mieux ce modèle du Big Bang, puisque on a déjà des indications qu'on est assez mal parti, si on veut bien regarder les choses. On trouve à l'heure actuelle, on observe énormément peu d'objets de ce type, c'est pour ça qu'on a fait ce télescope, mais des objets très très lointains, donc très loin dans le passé, par le fait que la lumière a mis du temps à nous parvenir. Par exemple, des galaxies qui sont formées au moment où l'univers n'avait que 500 millions d'années d'existence, qui déjà pose un problème, mais aussi des quasars. Or, les quasars sont des noyaux de galaxies, des galaxies qui ont évolué, donc qui ont vécu toute leur vie et qui ont terminé pratiquement leur vie pour former ces espèces de phares puissants de l'univers. Et ceci, on les trouve normalement dans des âges où l'univers n'a que 750 millions d'années. Là, la fenêtre temporelle est en train de se refermer de façon assez phénoménale, et ce satellite va nous dire oui ou non, est-ce que ce sont des objets atypiques, ou est-ce que vraiment, là, on a un problème pour former, dans un temps raisonnable, qui nous est donné par le Big Bang, les structures que nous connaissons. Ce qui nous amène, pour conclure cette émission, doucement mais sûrement, aux modèles alternatifs, puisqu'il en existe. J'aimerais qu'on en dise quelques mots dans le temps qui nous reste, au premier rang desquels celui qui est le plus sérieux et que on a vu émerger il y a quelques années, qui a ses partisans assez féroces, le Big Bounce, le Grand Rebond. Julien Grin, vous pouvez nous en dire un mot, quel est ce modèle proposé du Grand Rebond ? Oui, alors l'idée... Peut-être pour être un peu précis, c'est est-ce que c'est une alternative au Big Bang ou est-ce que c'est une extension du Big Bang ? Parce que au fond, ce dont on parle dans les modèles, donc en rebond, c'est plutôt qu'on n'a pas de singularité de Big Bang, mais l'histoire qui passe après est relativement la même. Donc l'idée de ces modèles, c'est effectivement de prendre en compte de façon le plus adéquate possible le fait que lorsqu'on approche de la singularité, entre guillemets un peu avant, on doit faire de la gravité quantique. Mmh. Et, bon, moi, les modèles que je connais le mieux, c'est ceux qui utilisent les idées qui viennent de la théorie de la gravité quantique à bout, qui est une proposition théorique pour faire ce genre de... pour unifier mécanique quantique et gravitation. Dont on a beaucoup parlé ici, avec Carlo Rovelli notamment, évidemment. Qui est un grand nom, qui a un des fondateurs de la gravitation quantique à boucle. Et donc, quand on approche du Big Bang, les effets de gravité quantique font comme une sorte de gravité répulsive. Ce qui fait qu'au lieu d'aboutir à la singularité, l'univers rebondit. Si on fait l'image on remet dans le bon sens, on aurait donc un univers qui se contracte, qui atteint cette zone quantique, qui rebondit et qui se remet à s'étirer. Et cette phase d'expansion post-rebond, ce serait celle que l'on connaît. Donc d'une certaine manière, on est dans une alternative au Big Bang, mais vraiment au sens de Big Bang, singularité de Big Bang. Ensuite, on peut faire par exemple des modèles comme ça, avec rebond, mais après le rebond, il y a une phase d'inflation. On peut tout à fait faire ce genre de modèle. On pourrait faire sans, mais on peut aussi, donc, entre guillemets, générer toute l'histoire que l'on connaît déjà en termes d'expansion post-rebond, dans notre cas. Donc... Jean-Marc Bonnet-Bonneau sur... Oui, absolument. C'est d'ailleurs fascinant parce que, en fait, on démultiplie maintenant la conception qu'on a de l'univers, enfin, au moins dans ces modèles-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'effectivement, donc, l'univers rebondit, voire, en fait, va se recontracter. Donc, on peut arriver à ces notions d'univers cyclique dont on parle dans d'autres conceptions où cette fois-ci, c'est vraiment de la mécanique quantique et de la conception du domaine de la particule qu'on a transformé en corde, voire en supercorde. La théorie des cordes, qui est la grande théorie concurrente de la gravitation quantique. Exactement, qui transforme complètement, mais qui aboutit un peu aux mêmes conclusions. C'est-à-dire, on peut éviter la singularité, on peut faire rebondir et de façon infinie dans le temps. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas peut-être évoqué, qui est quand même aussi un peu troublant, mais c'est évidemment des travaux qui sont menés depuis assez longtemps. Dans l'inflation, il y a possibilité d'imaginer que notre univers n'est qu'une bulle d'univers et qu'à côté, il y a d'autres bulles d'univers et que donc, en fait, on parle à ce moment-là de ces fameux multivers, c'est-à-dire une déclinaison multiple de l'univers. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est très passionnant intellectuellement, mais je voudrais quand même ramener les choses sur un point de vue très précis, c'est la mesure qu'on a de notre univers déjà, qui est tout à fait insuffisante. À ce propos, peut-être on peut dire un mot ou pas, enfin ça c'est vous qui me le dites, parce qu'il y a précisément une étude très très récente, puisque vous évoquez la théorie des cordes, qui s'interroge sur le fait que l'univers pourrait être issu d'une collision Branner. Alors est-ce qu'on rentre là-dedans ? Est-ce que vous vous sentez de rentrer là-dedans ? Ah non, c'est certainement pas un domaine. Je le vois bien grain, voilà. En quelques mots. Alors... Bon, l'image que j'en ai, au fond, c'est effectivement, je vois ça que de très loin, mais au fond, ça revient un peu dans ces collisions de brain, si je me souviens bien, donc peut-être que je suis à côté de la plaque, mais ça revient à des idées aussi de façon, entre guillemets, effective, à ce qu'on appelle des cosmologies en rebond. Encore une fois, quand on parle de ces modèles de cosmologie en rebond, la prétention n'est pas de résoudre toutes les questions qui se posent en cosmologie, mais de s'intéresser essentiellement à la question de la singularité, ou éventuellement comme alternative à l'inflation pour résoudre ces problèmes de platitude, d'horizon et d'inhomogénéité. Mais à aucun moment on ne prétend dire c'est avec ça que, je ne sais pas, on pourra former des galaxies. Former des galaxies. Ensuite, ça c'est la question de la structuration dans l'univers, qui est une physique extrêmement complexe, et qui est aussi très passionnante, qui est très importante, parce qu'elle est en lien avec l'évolution globale de l'univers. Hein. La structuration se fait dans un univers dynamique. Mais ces alternatives sont vraiment centrées sur le Big Bang comme singularité. toute la suite et sont des questions extrêmement importantes et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent au CEA, à l'IAS et dans plein d'autres labos en France. un mot, puisqu'il nous reste, quelques minutes, puisqu'on plutôt que de remonter le temps, est-ce qu'on peut juste à ce moment-là faire regarder un peu ce qui peut advenir, ou en tout cas ce que les différentes branches de la physique nous indiquent qu'il pourrait advenir. Il y a deux scénarios possibles. Il y a le scénario qui va dans le sens du rebond et qui serait celui d'une contraction à nouveau, et puis il y a l'autre scénario, celui du Big Freeze, où au contraire l'expansion continue jusqu'à ce que tout s'interrompt. Vous pouvez nous en dire un mot, Jean-Marc? Oui, c'est d'ailleurs assez spectaculaire. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des hypothèses qu'on fait sur cette fameuse énergie sombre, son équation d'état, c'est-à-dire comment elle va se comporter. Mais néanmoins, dans un certain nombre de conditions, ce qu'on appelle l'univers observable va se dépeupler. C'est-à-dire petit à petit, l'expansion sera tellement grande que nous n'aurons plus de galaxies dont nous pourrons obtenir de la lumière. Et par exemple, dans un temps relativement court par rapport à certaines caractéristiques de cette énergie sombre, dans quelques milliards d'années, même Andromède va commencer à sortir de notre horizon. Nous ne serons plus que nos étoiles. Ce qui est un peu troublant par rapport à l'évolution de l'univers, mais bon, voilà, il faut le prendre comme une hypothèse. Julien Grin ? Alors je dois avouer que je suis toujours un peu mal à l'aise à parler du futur de l'univers, exactement pour la raison que vous avez mentionnée, c'est que au fond, ça veut dire, supposons que tout ce que je connais aujourd'hui, je peux l'extrapoler dans le futur, un futur possiblement infini, avec des incertitudes sur ce qu'on connaît, des incertitudes de mesure. Donc, moi, j'ai toujours l'impression qu'au fond, on a 99% de chances de dire... Enfin, c'est pas qu'on dit n'importe quoi, ce qui est dit est évidemment découle d'équations, de réflexions. Voilà. Mais de modèles qui sont comme... Mais le point de départ est tellement... Ténu, et rien ne dit que peut-être l'énergie noire qu'on pense avoir telle propriété, peut-être que dans 100 000 ans, elle changera de propriété pour une raison totalement inenvisageable aujourd'hui. Donc c'est toujours, pour moi, un peu compliqué de faire ce genre de choses. C'est étrange, parce que, pour le coup, alors je me demanderais pourquoi c'est moins compliqué de remonter dans le passé. Ah, parce qu'on a des observations du passé. Oui. Et évidemment, il faut extrapoler aussi dans le passé nos incertitudes. Ça, c'est mais toujours. Mais ça, c'est oui. Parce que si on prend le système solaire muni de les lois Newton, on peut prédire à la fois le passé et le futur. Ça nous gêne pas trop. Non. Mais c'est une question d'échelle ensuite. Oui voilà. C'est la dimension dans laquelle on va. Encore une fois, j'ai aucun problème à le faire sur un certain nombre d'années dans le futur. C'est le côté. Ouais. Plus entre guillemets eschatologique de est-ce qu'on va prédire la fin ou c'est plus ce côté-là qui me dérange. Évidemment dans un futur mais néanmoins c'est vrai que c'est une petite bizarrerie de l'énergie sombre. Si vraiment elle a une équation d'état un tout petit peu particulière, vraiment tout d'un coup l'univers observable disparaît quoi. Donc c'est vrai qu'on est assez inconfortable avec ça, donc je suis d'accord avec vous. Eh bien écoutez, voilà, vous venez d'assister en direct à une controverse entre physiciens. ça n'arrive que dans la méthode scientifique. En tout cas, merci beaucoup à l'un et à l'autre d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Marc Bonnet-Bidot. Merci Julien Grin, comme d'habitude. Hein, si vous pouvez retrouver l'ensemble de l'émission ainsi que les liens, les études, les anciennes émissions auxquelles nous avons fait référence au cours de cette heure sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc ou sur notre page sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h dans le grain à moudre, Hervé Gardette se demandera aujourd'hui s'il faut déplacer le siège de l'ONU à Pékin. Dans quelques instants, c'est une nouvelle série documentaire de la semaine, celle qui a commencé hier puisque nous sommes mardi. Faites sauter les banques quand les banques deviennent toxiques par Rémi Douai et Assia Khalid. Pour ce qui nous concerne demain, eh bien nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons des codes incassables et du chiffrement de demain, de la cryptographie quantique. Et oui, il y aura encore de la mécanique quantique demain dans la méthode scientifique. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.